Merveilleux chapitre que le chapitre 8. On va le terminer ce matin. Ce chapitre qui parle que le monde est sous la condamnation, mais que nous, nous ne sommes plus maintenant sous la condamnation de Dieu. Il y a un texte que j'aimerais qu'on lise ce matin qui illustre ce moment où est-ce qu'il y a, la condamnation est sur l'être humain, et c'est un sujet que je dirais que la grande majorité aujourd'hui de la société ne veut plus croire qu'il y a un jugement dernier, qu'il y a un enfer, qu'il y a un ciel. On est encore prêt à croire qu'il y a un ciel parce qu'on dit que Dieu est bon, mais l'enfer, ça on ne croit pas cela. Et il y a des gens, des fois, qui me disent, « Tu penses-tu qu'il va y avoir du feu dans l'enfer? » Je ne sais pas ce que vous répondez quand on vous dit cela. Mais j'ai dit, certainement, une chose est certaine, c'est que Jésus a employé le mot « feu » pour parler, pour décrire, du moins, l'enfer. Et on va lire ensemble ce texte, si vous voulez bien. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il parle de sa deuxième venue, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondirent, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'était moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous n'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Et ils répondirent aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Une image de la fin des temps. Une image du jugement dernier. Ou un moment où est-ce que Dieu va séparer l'être humain en la race humaine en deux parties. Il y en a qui vont aller dans le ciel avec lui, ceux qui sont à sa droite, qui appellent ici les brebis, et ceux qui sont à sa gauche vont aller en enfer, dans le feu éternel. Si le jugement aurait lieu aujourd'hui, de quel côté serais-tu? Si la base, sur la base qu'on vient de lire, parce qu'il dit, pour juger les gens, qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez fait du bien à ses enfants, et si vous n'avez pas fait du bien à ses enfants, c'est ça qui va déterminer le jugement dernier. Le texte, c'est ça qu'il parle ici. Hein? Il ne parle pas directement de la foi ou de la repentance. Et beaucoup de gens prennent ce texte et disent qu'ils font des œuvres, ils aident, ils travaillent parmi les gens, sont dans la misère, dans ceux qui sont pauvres, parmi les enfants pauvres de ce monde, ils disent qu'ainsi, ils vont avoir le droit d'être à droite, à la droite du Seigneur. Ils prennent ce texte-là pour le dire. Ils prennent le texte. Et c'est pas toujours facile de leur prendre le texte et de leur expliquer qu'ils n'ont pas raison. On peut aller dans d'autres textes pour leur dire ce que Jésus a dit. Mais le texte ici n'est pas facile à expliquer tout le temps. Et même parmi les croyants, ce n'est pas tout le monde qui l'explique de la même façon. Mais une chose est certaine ici, c'est qu'à la fin des temps, il y en a qui vont être à gauche, puis il y en a qui vont être à droite. Il y en a qui vont être condamnés dans un feu éternel. Et il y en a d'autres qui ne seront pas condamnés. Et le texte que nous allons étudier ce matin, dans Épître aux Romains, chapitre 8, Paul dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, pour ceux qui sont en Christ, ils n'iront jamais à gauche. Ils ne sont pas parmi les boucs. Parce que ceux qui sont parmi les boucs sont condamnés, ils vont en enfer. Donc, Paul dit dans Romains 8 que ceux qui sont en Jésus ne seront pas condamnés le jour de ce grand jugement-là. Comment pouvons-nous être certains que nous ne serons jamais condamnés? Parce que vous savez, la majorité des mouvements religieux dans le monde disent que nous pouvons passer d'une place à l'autre dans notre vie. Donc, ils vont dire que tu peux être une secousse, tu peux être du côté droit. Puis dans une secousse, tu peux être du côté gauche. Dépendamment comment tu vas vivre, dépendamment à quel moment tu vas mourir, si tu es d'un bord ou de l'autre. Même parmi les mouvements évangéliques, il y en a qui disent que tu peux être à droite pendant un temps et tout d'un coup, à cause de certaines actions que tu fais, tu peux être remis à gauche. On appelle ça la perte du salut. Donc, pendant un temps, ils étaient à droite. Même à cause de leur vie, ils sont venus maintenant à gauche. Ils peuvent revenir à droite et ils peuvent retourner à gauche à différents moments donnés dans leur vie. Mais l'apôtre Paul dit il n'y a plus de condamnation au verset 1. Il n'y en a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on peut avoir la certitude que c'est vrai. Et là, il part dans le chapitre 8 puis il donne les raisons pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui ont la foi en Christ. Première chose qu'il a dit, on va juste un petit résumé vite, parce que nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire qu'on a été libérés du péché et de la loi et de la mort à cause de Jésus. Donc, on ne peut plus être condamné ou mourir parce qu'on a été affranchis de la mort. Il dit qu'on n'a plus de condamnation parce que nous affectionnons maintenant les choses de l'Esprit. On a vu ça du verset 5 jusqu'au verset 8. Ensuite, on dit qu'on ne peut plus être condamné parce que nous avons l'Esprit de Christ en nous. L'Esprit de Christ habite en nous, donc on ne peut pas être condamné. On a vu la quatrième, parce que nous souffrons avec Christ. Et on a vu ici, ce n'est pas la souffrance que nous subissons à cause que nous sommes chrétiens, ce n'est pas des souffrances qui viennent de la persécution, mais c'est la souffrance qu'on souffre avec lui dans le fait que le monde est perdu. Nous souffrons devant l'état de l'humanité. Nous souffrons de voir le péché qui est dans le monde, comme Christ souffre. C'est la preuve que Christ habite en nous. C'est la preuve que nous avons l'Esprit de Christ en nous. Parce que nous souffrons de voir le monde tel qu'il est, même de voir le péché de notre propre vie. Nous souffrons de cela. C'est pour ça qu'il dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et on a vu la dernière fois, avant les fêtes, parce que tout concourt à notre bien. Tout ce qui arrive dans notre vie concourt à notre bien. Et on a vu ensemble que notre bien, il ne parlait pas ici de notre bien-être matériel ou physique, mais de notre bien dans le sens qu'un jour, nous allons être comme Jésus-Christ. Tout concourt à nous emmener à être comme Christ. Tout ce qui vous arrive, tout ce que vous faites, vous amène vers la stature parfaite de Jésus-Christ. Dieu l'a promis. Lui va prendre tout ce que vous faites et va l'utiliser pour vous transformer à l'image de Jésus. Et ce matin, nous allons voir le dernier. Vous souvenez-vous, quand Joseph était saisi par ses frères, on l'a envoyé, on l'a vendu comme esclave et est parti pour le pays d'Égypte. Et pendant des années, on pense que ça peut être alentour de 13 ans, peut-être, alentour de 13 ans qu'il a été soit esclave ou soit en prison. Quand ses frères viennent et qu'ils le reconnaissent finalement, qu'est-ce que Joseph dit pour les réconforter? Il dit, vous avez voulu me détruire, hein? Mais Dieu a changé en bien. Dieu a pris ce que vous étiez en train de faire qui était mal, qui voulait me tuer, qui voulait m'enlever ma position privilégiée un peu avec mon père. Vous avez voulu me faire mourir et vous m'avez vendu pour me détruire. Mais Dieu m'a donné la victoire à travers tout ça. Dieu est au contrôle de tout et il m'a donné la victoire. Ce n'est pas Joseph qui était quelqu'un de spécial. C'était son Dieu. Combien de fois on prêche la vie de Joseph puis on le met quasiment sur un piédestal en tant que chrétien? C'est un modèle à suivre. Puis on nous dit de faire comme Joseph, puis prier comme Joseph, puis faire comme Joseph. Joseph, c'était rien de plus qu'un être humain pécheur. Mais qui avait un grand Dieu qui veillait sur lui. Un Dieu qui avait un plan pour sa vie. Vous savez que Dieu, hein, des fois, ça nous fait un petit peu, en tout cas, un petit peu avoir des frissons, que Dieu peut permettre que quelqu'un me vende en esclavage, puis que je m'en aille en prison pendant des années, que je souffre, parce que son plan pour moi, c'est que je sois un jour pair d'Égypte et que je sauve le peuple de Dieu. Dieu peut nous envoyer dans des trous pas mal noirs, hein, des fois. Ou de pouvoir dire, Dieu permet, oui, ça pourrait être, Dieu permet. Mais le plan de Dieu pour Joseph, c'était qu'il passe par là. Et nous, on pense que Dieu va nous faire passer juste par des beaux bouts, par des belles places, dans des belles chambres d'hôtel. Mais là, on lui a passé dans la prison, en tant qu'esclave. Et il dit à la fin, c'est Dieu qui m'a emmené ici, c'est pas vous. C'est pas vous qui m'avez envoyé. Dieu m'a emmené ici pour que je puisse un jour vous sauver. Dieu avait un plan. Et la victoire est venue à cause de Dieu et non pas à cause de Joseph. Si Dieu avait abandonné Joseph, Joseph aurait développé de l'amertume et de la haine contre ses frères comme tous les autres êtres humains. Tous les êtres humains auraient fait la même affaire. Souvenez-vous un jour aussi, quand David est allé vers Goliath. Goliath, le monsieur qui mesurait peut-être alentour de 10 pieds. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je viens... Toi, tu viens vers moi avec ta lance, ton bouclier, ton épée pour me tuer. Il dit, moi, je viens contre toi avec l'Éternel. Et tu vas mourir. Je vais donner ta chair à manger aux oiseaux. David n'était rien d'autre qu'un pauvre pécheur comme vous et moi. Mais son Dieu était spécial. À cause de son Dieu, David est parti avec son petit sac, qui a mis quelques petites roches dedans, avec sa petite fronde, puis est allé se battre contre un homme énorme, en tout cas plus gros que lui, peut-être deux fois plus gros que lui. Il était tout équipé pour la guerre, un soldat expérimenté. David n'était pas un soldat expérimenté. Et il s'en va se battre, mais il est certain de gagner à cause de Dieu est avec moi. Et je vais gagner. Et l'histoire nous dit qu'il a gagné. Il a gagné. Dans la vie chrétienne, si on ne garde pas ça en esprit, dans nos pensées, que Dieu est avec nous, et à cause de lui, nous allons gagner, on se décourage avec les chrétiens. On s'apitoie. On se lamente. Parce que des circonstances qui vont venir autour de nous qui peuvent emmener toutes sortes de questionnements, toutes sortes de doutes, toutes sortes de difficultés. Mais il faut toujours se rappeler que Dieu est avec nous. Et le texte ce matin qu'on va lire à partir du verset 31, dans Romains 8, 31, il dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Donc, il dit, on ne peut pas être perdu, on ne peut pas être condamné quand on est en Jésus-Christ. Parce que quand on est en Jésus-Christ, Dieu est pour nous. Dieu est avec nous. Et on va lire ça ce matin ensemble. Et regardez bien qu'il met l'emphase sur Dieu, non pas sur vous. Si vous vous regardez et vous pensez que vous pouvez faire de quoi, vous allez vous décourager, vous démoraliser, vous allez vous apitoyer sur votre propre sort. Hein? Quelqu'un veut lire à partir du verset 31? Et vous lisez tant que je ne dirai pas d'arrêter. On va arrêter là. Il dit, à cause que Dieu est avec nous, qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec nous? Qu'est-ce qui prouve que Dieu n'est pas contre nous? La première raison qu'il donne, il dit, Dieu n'a pas épargné son propre fils. Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré à la mort pour vous. Si Dieu a fait ça pour vous ce matin, si Dieu a donné son propre fils, celui qui aimait le plus, celui qui avait chéri pendant toute l'éternité, il l'a donné, il l'a livré à la mort pour vous, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Ne vous donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Si Dieu vous a donné son fils, qui était je dirais, la grande chose, dit, va-t-il pas vous donner toutes les petites choses en plus? L'apôtre Paul dit la même chose dans Romains chapitre 5. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est quoi ça, ces toutes choses-là? C'est quoi les toutes choses ici? Il dit, si vous a donné le Fils, pourquoi avez-vous peur de perdre les autres choses? Il dit, ne vous donnera-t-il pas toutes les choses, puis j'ai souligné dans mon texte, avec lui. C'est quoi ces choses-là dont il parle ici? Que vous pensez? La vie. Oui. Oui. Parce qu'ici, ses yeux sont fixés vers l'avenir. Sont fixés vers l'avenir. Qu'est-ce que le chrétien a peur ou pourrait avoir peur de perdre ou de ne pas avoir? C'est les bénédictions de Dieu, c'est les promesses de Dieu. Pendant qu'on était à Vitréville cette semaine, encore une fois, on était avec les chrétiens et on jasait. Puis c'est venu encore sur la question, cela. C'est la question encore. Cette question de récompense, de bénédiction, de que on va-tu avoir, on n'aura-tu pas, on est-tu béni, on n'obéit-tu pas, est-ce qu'on obéit assez pour les avoir? Il y en a qui vont en avoir plus que d'autres, d'autres moins que d'autres. Et là, il y avait toute une discussion qui est élevée encore parmi les croyants. On va-tu toutes les avoir, les choses qu'il a promis finalement? Mais non, si on n'est pas des assez bons chrétiens, ou est-ce qu'on est fait qu'on n'obéit pas assez? Voyez-vous, ça était encore dans leur tête, là. Ça trottait là encore. Mais j'avais préparé mon sermon avant d'aller à Vitréville. Donc j'étais préparé à leur dire, si vous a donné le Fils, pourquoi vous pensez qu'il ne vous donnera pas les autres choses? Si vous a donné son Fils et que son Fils est mort pour vous, pourquoi avez-vous peur de ne pas avoir les autres choses? Les autres choses vont vous être données de la même manière que le Fils vous a été donné par pure grâce, selon la bonté de Dieu. Ne pensez pas que vous avez eu le commencement et que vous avez reçu le début et que vous n'aurez pas la fin. Si vous avez eu le début, vous allez avoir aussi la fin. Si vous a donné une partie du cadeau, vous allez avoir tout le cadeau. C'est ce qu'il est en train de dire ici. N'ayez pas peur. Dieu va vous donner toutes les autres choses, toutes les promesses qu'il a faites, toutes les bénédictions qu'il a données à l'Église. Vous les allez les avoir. Et remarquez bien, à la fin du verset 32. Ne vous donnera-t-il pas aussi toutes choses à cause que vous êtes obéissant? Non, non, il ne dit pas ça. Avec lui. Avec, c'est qui le lui ici, là? Avec le Fils. Il dit, vous a donné le Fils, et à cause que vous êtes avec le Fils, vous allez recevoir avec le Fils tout ce qui va avec. Parce que tout est attaché avec le Fils. Toutes les richesses de Dieu sont en Jésus. Colossiens. Toutes les richesses de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont attachées à la personne de Jésus. Et vous autres et moi, on est attachés à la personne de Jésus, donc, pour vous n'avoir pas de peur, ça ne dépend pas de vous. Vous n'avez pas reçu le Fils parce que vous êtes obéissant. Vous avez reçu le Fils parce que vous avez eu la foi en lui. Vous vous êtes repenti, vous avez cru, et vous a donné la foi. Le Fils. Il vous a donné la vie éternelle et tout ce qui vient avec. Parce que quand vous avez la vie éternelle, je peux vous donner un petit secret, vous avez tout. Vous ne pouvez pas avoir plus que ça. Vous ne pouvez pas avoir plus. En tout cas, moi, je n'ai pas besoin de plus. Je me contente de ça, je vous garantis. Quand tu as ça, tu n'as pas besoin d'autre chose. Parce que la vie éternelle contient tout ce que Dieu a donné. Et tout cela vient en vous à cause de Jésus. Ne doutons pas de Dieu qui ne nous donnera pas les bagatelles, si on peut appeler ça comme ça, quand il nous a déjà donné Jésus-Christ. Romains 5, il dit ça comme ça. S'il vous a donné le Fils, et comment encore vous délivrera pas-t-il pas de la colère à venir? Si vous avez reçu le Fils, vous allez avoir le restant. C'est la preuve. Éphésiens 1 dit autrement. Si vous avez reçu l'Esprit, vous avez été scellé du Saint-Esprit, vous allez avoir tout le restant. Vous avez été scellé. Si vous avez le sceau, qui est l'Esprit, vous allez avoir tout le restant avec. Si vous avez Jésus, vous allez avoir tout le restant avec. N'ayez pas peur, frères et sœurs, de perdre quelque chose à cause de votre vie chrétienne. N'ayez pas peur de ça. J'ai tellement eu peur de ça quand j'étais jeune chrétien. On m'a fait tellement peur avec ça que je pensais que je rentrais au ciel et j'aurais le dos à côté à la porte de l'enfer. Parce qu'on nous disait qu'on n'était pas des bons chrétiens. Et qu'on ne fonctionnait pas bien, puis qu'on n'était pas assez zélé, puis qu'on ne fonctionnait pas assez, puis qu'on donnait pas assez, puis qu'on priait pas assez, puis qu'on évangélisait pas assez. On disait jamais on réussissait à faire ce qu'on nous disait. La barre était tellement haute qu'on avait toujours l'impression qu'on était chrétien, mais juste par la peau des os. Et qu'on rentrera au ciel, mais qu'on en perdra un bout. Au jugement, durant le jugement de Jésus-Christ, là, qu'on n'aurait pas tout ce qu'il nous avait dit parce qu'on n'avait pas été assez gentil. Mais voyons donc, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je connais des chrétiens qui ont peur de mourir. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas fait ce que Jésus avait dit. Ils n'ont pas fait assez. Donc, ils ont peur de mourir parce que Jésus va les reprendre. Jésus va les enlever leur récompense. Fait que là, ils vont se sentir mal. Ils vont avoir peur, ils vont rougir. Mais l'apôtre Paul ici dit, non, non, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. S'il vous a donné le Fils, il va tout vous donner les autres choses avec lui. Toutes les autres choses. Je vous dis, lisez dans Corinthiens le texte qui dit, toutes les promesses de Dieu trouvent leur amen en Jésus, pas en vous. Toutes les promesses de Dieu trouve leur « ainsi soit-il » ou leur « amen » en Jésus, non pas en vous. Donc, Jésus a accompli tout ce qu'il avait à accomplir. On va lire un autre petit bout maintenant, à partir du verset 33. Qui veut le lire? On arrête cela. Dieu justifie. Il dit, qui va les accuser? C'est Dieu qui justifie. Parce qu'il dit, qui va nous accuser? Qui va nous dire qu'on est coupable? Qui? Parce que dans une cour, là, c'est qui a le dernier mot? C'est le juge. Hein? C'est le juge qui a le dernier mot. Il y a des gens qui se lèvent et qui peuvent vous accuser. L'avocat de la couronne, ou alors l'avocat, il peut se lever et dire, il est coupable, puis il va donner des preuves, puis tout ça. Il va vous accuser. Mais il dit, qui peut accuser les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qu'est-ce que ça veut dire le mot justifier? C'est quoi la définition que vous donneriez à Dieu nous justifie? Pas coupable, c'est une définition. Mais quelqu'un qui va nous justifier, qui fait une action à notre égard, nous rendre juste. Regardez ce que le dictionnaire dit. Prendre la défense de quelqu'un en démontrant son innocence. Quelqu'un t'accuse et dit que tu es coupable. Quelqu'un se lève et dit qu'il va prouver et va démontrer ton innocence. Il va te justifier aux yeux de tout le monde. Il y en a qui t'accusent, mais lui va se lever et il va te justifier. C'est comme l'avocat de la défense ou l'avocat de la défense. C'est ça. Il va t'accuser et ton avocat à toi se lève, lui va te justifier. Mais il ne gagne pas tout le temps dans notre société. Mais quand Dieu se lève et dit « Moi, je vais justifier François », tout le monde se tait. Et les preuves sont intouchable. L'apôtre Jean dit, si notre cœur nous condamne, hein, il dit ça, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Notre cœur peut nous condamner, notre cœur peut nous faire douter, le pasteur peut nous faire douter, ma femme peut me faire douter, ton mari peut te faire douter. Mais tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Si tout le monde de la terre t'accuse, Dieu va te justifier. Donc, pourquoi est-ce que tu aurais peur de perdre quelque chose quand c'est Dieu qui justifie? Et Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Donc, qui est-ce qui pourrait nous condamner? Personne. Et Jean dit, nous avons un avocat auprès du Père. Qu'est-ce qu'il fait l'avocat? Il nous défend. Il nous défend. Contre ceux qui nous accuseraient, on dit l'accusateur, c'est le diable. On a chanté tout à l'heure, l'accusateur, il veut nous accuser. Mais il dit, on a un avocat qui nous défend. Puis il n'a jamais perdu une cause encore. Il n'a jamais perdu. Si tu as pris Jésus comme avocat, il n'a jamais perdu une cause. Dieu nous justifie. Donc, pas besoin d'avoir peur, hein? De perdre quoi que ce soit ou d'être condamné. Dieu me justifie. Dieu me déclare juste à cause de Jésus. Lisons le verset maintenant. 34 et 35. 34 et 35. Qui veut lire ça? Oui, là, on a lu un trop. C'était juste le verset 34 que je voulais qu'on lise. Il dit, qui va nous condamner? Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce texte-là est souvent employé pour la prière. Ça n'a rien à faire avec la prière ici. Ça n'a rien à faire avec la prière, ce texte-là. L'apôtre Paul n'est pas en train d'enseigner sur la prière ici. Il est en train de parler de quoi, l'apôtre Paul? De quoi est-ce qu'il parle dans le contexte? De la condamnation. Il ne parle pas de la prière. Il n'est pas en train de dire, là, quand je prie, Jésus intercède pour moi auprès du Père. C'est pas ça que le texte enseigne ici, là. Le texte enseigne que si quelqu'un veut me condamner, si quelqu'un veut me perdre aux yeux de Dieu, Christ est là, assis à la droite du Père. Je ne sais pas s'il y a encore les mains percées. Pensez-vous, vous autres? Je ne suis pas sûr à 100%, mais si, peut-être, vous avez raison. Mais si oui, il est bien percé, le côté percé, quel bord, peut-être celui-là, les pieds percés. Et si, encore, effectivement, les mains et les pieds percés, il dit à son père, « Voilà, je suis mort, François. Je suis ressuscité pour François. Et prends ma défense. » Oui, oui, oui, sa femme, ça, ses enfants, ses frères et sœurs, tout le monde peut le condamner, puis vont dire des choses qu'il n'a pas faites de pas correctes. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas fait correct. J'essaierai pas de me justifier basé sur mes œuvres, sur ma vie. Je suis condamnable, ça, sur ma vie. Tout le monde ici est condamnable sur sa vie. Tu veux me condamner, tu le peux à 100% tous les jours de ma vie. Parce que je suis condamnable. Je suis un pécheur, donc je suis condamnable. Mais Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, mort, ressuscité. Pour moi, il s'est assis à la droite de Dieu. Il a juste un but, c'est de me défendre contre ceux qui voudraient me condamner. Et si Jésus intercède en faveur de mon salut, pas mes prières. C'est pour ça que le texte parle. Donc, quand vous voulez parler que Jésus intercède pour vos prières, ne prenez pas ce texte-là. Ce n'est pas ça qu'il enseigne. Le texte enseigne seulement ici que Jésus intercède en ma faveur si quelqu'un voudrait me condamner. Il intercède auprès du Père pour moi. Le Père me justifie. Jésus-Christ me intercède en ma faveur. Qui pourrait donc me condamner? Dieu me justifie. Christ est mort pour moi. Et il me défend, il intercède en ma faveur auprès de Dieu. Qui pourrait bien me condamner? Qui pourrait bien se lever pour réussir à condamner François? Personne. Hein? Si on continue à lire, à partir du verset 35, lisons jusqu'au verset 39, 35 jusqu'à 39. C'est donc beau, ça, ce passage-là. Il y en a qui disent, « Oui, mais peut-être que je vais abandonner. Peut-être que je vais lâcher à cause que ça va être trop difficile. Peut-être que Dieu, lui, il ne veut pas me lâcher, mais moi, je vais lâcher à cause des tribulations, de l'angoisse, des persécutions, de la pauvreté, le péril, l'épée. Peut-être que je vais abandonner, peut-être que je vais trouver ça trop dur, la vie chrétienne. Et là, je vais abandonner le Seigneur. » Parce qu'il y a un verset qui dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin. » Fin de quoi? La fin de sa vie, hein? La fin de sa vie. Ou la fin de ce siècle, si, peut-être qu'il ne mourra pas, Jésus va venir le chercher au retour du Seigneur. Mais il dit, « Si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, tu ne seras pas sauvé. » Il y en a qui disent, puis vous remarquerez, tous ces versets-là qui parlent de persévérance sont toujours dans un contexte de persécution. Toujours dans un contexte de tribulation, d'angoisse, de persécution, de pauvreté, de péril, d'épée, qui veulent nous faire mourir, qui veulent nous détruire. Le monde visible nous hait. Jésus dit, vers la fin des temps, hein, quand il parle de la fin des temps, il dit, les nations vous haïront à cause de moi. Il dit, les nations vont se lever contre vous et vont vouloir vous détruire, ils vont vous haïr au point de vouloir vous faire disparaître de la planète. Et je vous garantis, on lit des livres qui parlent de ce qui s'en vient dans l'avenir par rapport à la société. Et les chrétiens, dans ces livres-là, sont destinés comme ceux qui s'objectent à la paix mondiale et qu'il faut s'en débarrasser. C'est déjà commencé à être écrit dans les livres. Si on veut avoir la paix mondiale, il va falloir se débarrasser des chrétiens parce qu'ils pensent que juste eux autres sont corrects. Puis c'est juste eux autres qui ne veulent pas vraiment être unis à tous les autres, qui veulent être différents des autres. Puis il faut les éliminer. On commence déjà à en parler dans les livres qui parlent de l'avenir de cette planète-ci. Les nations vont se lever. Ils sont déjà levés. Hein? Ils sont déjà levés depuis que Jésus est venu. Il y a eu des persécutions. Et toujours. Il dit, qu'est-ce qui dit que ça ne viendra tellement pas difficile dans ma vie que je ne vais pas abandonner? N'avez-vous déjà connu des gens qui se sont déclarés chrétiens et à cause de ces choses-là qu'on vient de lire, ont renié la foi, ils sont partis de l'autre bord? La connaissez-vous? J'en connais, moi. J'en connais. Qui ont dit, je suis chrétien, je suis sauvé, j'ai été baptisé dans l'église, puis de coup, après 5 ans, après 5 mois, après 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils lâchent, ils s'en vont, ils renient la foi, puis ils s'en vont à leur vomissure, comme Jésus a dit. Et le texte, c'est un peu à ça qui fait allusion, je crois. Qu'est-ce qui dit que moi, je n'abandonnerai pas quand il y en a d'autres qui ont abandonné? Qu'est-ce que le texte nous dit pour nous rassurer? Pour rassurer le croyant. Qu'est-ce que le texte dit ici? Qu'est-ce qu'il dit qui me fait comprendre que je n'ai pas à craindre toutes ces choses-là? Que ces choses-là ne vont pas me pousser à abandonner le Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes plus que vainqueurs par quoi? Par celui qui nous a aimés. La victoire ne dépend pas de nous. Elle dépend de lui. C'est lui qui s'est engagé à nous rendre jusqu'à la fin. C'est lui qui va nous rendre persévérants. Pas nous. Si on commence à penser que ça dépend de nous, avons-nous bien compris l'Évangile? Si on pense que ça dépend de nous, avons-nous bien compris l'Évangile? Et si ça ne dépend pas de moi, il y a juste une chose qui me rend vainqueur, c'est Jésus. Ce n'est pas vous. Tant aussi longtemps que vous allez vous fier en Jésus-Christ pour être vainqueur, vous allez être vainqueur. Le jour où vous allez penser que c'est vous que ça dépend, vous allez avoir des petits problèmes. Ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vous. C'est lui qui nous rend vainqueurs. Et il dit au verset un peu plus bas, il dit quoi? Il dit, le monde invisible me hait aussi. Il dit, c'est pas juste le monde à l'extérieur qui veut me faire détruire. Il dit, le monde invisible me hait aussi. Regardez ce qu'il dit. Il dit, car j'ai l'assurance que ni les anges... Là, on dit, hein, les anges, voudrais-tu ma perte? Il ne parle pas des anges bons ici, il parle des anges mauvais. Les dominations et toutes les choses présentes et les choses à venir, les puissances, la hauteur, la profondeur, les créatures ne pourront me séparer de Dieu. Tout ce qui va se lever, même dans le monde invisible, qui voudrait ma perte, ne pourront pas réussir à me néantir. À cause de quoi? Au verset 39, ni aucune créature, ni dans le monde visible, ni dans le monde invisible, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. À cause de quoi? Cet amour qui s'est manifesté en Jésus. Ça ne dépend jamais de moi. Ça ne dépend jamais de moi. Ça dépend toujours de lui. Il n'y a personne qui va réussir à arrêter Dieu de m'aimer. Il pourra peut-être réussir à m'arrêter moi de l'aimer. Voyez-vous ça? Convenez-vous la différence? Il pourra peut-être réussir à m'arrêter moi de l'aimer. Mais ils ne réussiront jamais à me séparer de l'amour que Dieu a pour moi en Jésus. Parce que lui-même, il n'y a personne qui va l'arrêter lui de m'aimer, et donc je suis en paix. Mais si quelqu'un pourra bien m'arrêter de l'aimer, il pourra dire, ah oui! J'ai pas besoin des autres, même. Je peux arrêter pas moins. Mais lui, il n'y a personne qui va l'arrêter de m'aimer, moi, en Jésus-Christ. Voyez-vous la grande différence? Et ça nous donne tellement d'assurance face à notre propre salut. Ça ne dépend pas de nous. Ni le début, ni la fin. Le début, ça dépendait de lui. Et la fin dépend de lui, ne dépend jamais de moi. Je suis un bénéficiaire de la grâce de Dieu à 100%. Mon salut dans l'éternité va être seulement et uniquement à la gloire de Dieu. Pas, ah, j'ai reçu la vie éternelle gratuitement, mais j'ai une petite part ici, là, que ça dépendait de moi. J'ai une petite place dans le ciel, ça c'est moi qui l'ai gagné. Par mes œuvres, par mon zèle chrétien, par mon obéissance. Je n'ai un petit peu plus que Raymond, mais ça c'est ma faute à moi. C'est à cause de moi si j'en ai un petit peu plus que l'autre. Mais voyons donc. Mais voyons donc. On se glorifierait. Puis on aura raison, ça dépend de nous. Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de lui. Et l'apôtre Paul finit ce passage-là en parlant de tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Et la semaine prochaine, on va commencer chapitre 9. Et là, on va tomber dans un chapitre pas évident. Et je vous encourage à prier pour vous et pour moi. Prenez le temps de lire peut-être cette semaine, chapitre 9. On va parler de la prédestination, de l'élection. Dieu qui a fait des vases de perdition, des phases pour l'élection. Puis là, tout le monde s'astine là-dessus parmi les chrétiens depuis des siècles. Quand il dit « J'ai haï Ésaü avant qu'il soit au monde », on a de la misère à entendre ça dans la bouche de Dieu. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Et là, il va nous parler que la fin ne dépend pas de nous, mais il va nous dire dans chapitre 9 que le début ne dépendait pas de nous non plus. Et on va étudier ça ensemble. Priez pour que le Seigneur me donne la capacité de bien comprendre les textes et de bien vous les enseigner. Terminons dans la prière. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu es avec nous. Tu étais avec Joseph, tu étais avec Moïse contre Pharaon, tu étais avec David contre Goliath, et tu es avec nous maintenant. Contre toute créature de ce monde ou de l'autre monde qui voudrait nous emmener à la perdition. On se confie seulement en toi, seulement en ton amour pour nous, cet amour qui s'est manifesté en Jésus. Nous te glorifions. Nous te glorifions. Ô Seigneur, quand le malin ou quand notre propre chair ou qui que ce soit voudrait nous faire douter que tu nous aimes, donne-nous la grâce de tourner nos yeux vers la croix et de se rappeler que tout ton amour pour nous a été déversé à la croix. Et nous n'avons pas à douter que tu nous aimes et que tu nous aimeras toujours. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé que nous te prions. Amen.